Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Accordéon Parade que vous écoutez. Une émission que vous propose, que vous présente Michel tous les dimanches de 9h à 10h. Pour commencer cette émission, eh bien, nous sommes partis en vélo avec la parade des cyclistes. We'll be right back. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et sur les 91 MHz, comme chaque dimanche, de 9h à 10h, c'est Michel et ses amis accordéonistes et son plateau d'accordéonistes pour vous dire un petit bonjour, le bonjour de l'accordéon, avec son émission Accordéon Parade. Et hop là! Attention à la chaise. Et bientôt, elles vont revenir, les sympathiques hirondelles. C'est sympathique, un petit coup de mandoline derrière l'accordéon. Ça, c'est du musette et du vrai musette. Allez, on va écouter le marquis Swin, qui nous interprète Indifférence. À vous, monsieur le marquis. <t'-> merci à vous, monsieur le marquis. C'est sympathique de nous avoir fait tourner cette valse avec du swing. Maintenant, nous allons écouter un sympathique accordéoniste qui avait monté en son temps, dans les années 50, une école d'accordéon à Paris. Et c'est Étienne Norin qui nous interprète la Java des As. We'll be right back. vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et sur les 91 MHz, c'est Accordéon Parade que vous écoutez, une émission pour les mordus du dépliant. Une émission 100% musette sur la bande FM. Et c'est un sympathique jeune homme, Michel, qui vous propose cette émission. Alors Étienne. Oui, Étienne de Normandie, bien, il vient de mettre le chapeau tyrolien. Alors Étienne, tout content de mettre le chapeau tyrolien? Ah non, ah parce que c'est la fiesta et c'est Mimi le prud'homme. Bonjour, de l'ambiance. Tant pis pour les voisins du dessus. Ils sont encore couchés. Avec sa peau bronzée satinée, elle vient tous les étés en Méditerranée. Ce beau coin de Provence lui porte chance. Les journées à la mer, elle va se baigner. Et parfois, elle danse sous les palmiers. Oh Rosita, tu es vraiment la reine de la samba. Oh Rosita, tu es pour nous la fille de Cuba. Elle adore tous les dents, signe de Saint-Tropez. Ce n'est qu'au petit matin qu'elle va se coucher. Elle se lève à midi sans même déjeuner. Elle n'a qu'une chose en tête, c'est danser. Aux terrasses des cafés, elle va se pavaner. Toujours bien maquillée et pomponnée. Dans son beau bikini, c'est une poupée. Tous les hommes la trouvent belle à croquer. Oh Rosita, oh Rosita, tu es vraiment la reine de la samba. Oh Rosita, tu es pour nous la fille de Cuba. Oh Rosita, tu es pour nous la fille de Cuba. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Merci au sympathique Auxerrois André Trichot qui vient de nous interpréter un merveilleux passo-doble de sa composition. Olé, olé! Et bien sûr que c'est Accordé en parade que vous écoutez, émission qui est rediffusée le mardi de 9h à 10h sur votre sympathique radio sur GFM. Et c'est 100% musette. Tous les styles d'accordéon sont représentés dans mon émission, mais le style musette 100% est bien plus représenté que le classique. We'll be right back. Merci à Monsieur André Verschuren qui vient nous interpréter Perles de Cristal. Oui, et merci à Guy Denis qui vient de nous interpréter juste un rigolo. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Toujours l'accordéon ce dimanche matin sur les 91 MHz de Sorgia FM, avec Michel et son émission Accordéon Parade. Accordéon Parade qui est rediffusé le mardi à partir de 10h. Et à toutes fins utiles, je vous rappelle que vous pouvez écouter Accordéon Parade toute la semaine en allant sur Internet, sur GFM, podcast, et voilà, vous avez trouvé l'émission. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oh pardon, on va écouter de l'accordéon, puisque nous sommes dans une émission d'accordéon. We'll be right back. Merci, merci à Alexandra Paris qui vient nous interpréter une polka de Monsieur Émile Vacher, les Triolets. Et on continue. Avec Luis Vincens qui nous emmène dans les Alpes françaises. Thank you. Merci à Jérôme Robert qui vient nous interpréter l'arc-en-ciel tyrolien. Et puis, eh bien, l'émission va se terminer. Non, encore un morceau. On va écouter un morceau, une valse du Tyrol. Et c'est notre ami Marceau, le grand Marceau, qui nous interprète valse du Tyrol. Et nous sommes en 1934. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et bien voilà, accordéon parade se termine. On se retrouve mardi pour la rediffusion de l'émission. Autrement, c'est dimanche prochain à partir de 9h pour une autre émission d'Accordéon Parade. Alors les valseurs ! Eh bien, les amis valseurs vont aller se reposer. Ils vont aller regonfler les jambes. Et après, ben, ils seront tout frais pour dimanche prochain. Passez un bon dimanche, une bonne semaine, tout ça en triolet. Je vais changer de studio. Et après, on va se retrouver pour une heure de détente, une heure de bonne humeur. Allez, passez un bon dimanche, une bonne semaine. Et bye bye, à bientôt. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Dimanche. Et comme chaque dimanche, à partir de 10h, vous avez rendez-vous sur les 91 MHz avec Michel. Michel qui est toujours de bonne humeur. Quoique ce dimanche, je ne suis pas tellement de bonne humeur. Et oui, oui, oui, certains auditeurs, voilà... pour l'affaire de 15 jours du côté de la Savoie, ont des mauvaises réflexions à faire à notre président qui me les transmet. Alors ça, c'est sympathique. Mais j'aimerais bien que ces auditeurs, qui je ne sais pas, s'ils ont des mauvaises réflexions, ils aient qu'à me le dire ou venir me trouver dans les studios de Sorgia FM. Et alors là, on s'explique. J'apprécie pas tellement ce mode de faire. Alors peut-être que demain, j'aurai encore des réclamations à faire ou des remarques. Alors si vous avez des remarques à faire, si vous avez des réclamations, écrivez à la radio ou adressez-vous à Michel. Venez le voir le dimanche matin et on discute. À part ça, comment allez-vous, auditrice, auditeur de Sorgia FM ? Alors on prépare Noël ? Ah, c'est bientôt. Et puis, on s'exerce à chanter un peu, faire de la voix pour recevoir le Père Noël. Et bien ce dimanche, on va chanter avec Enrico Macias. Avant de savoir parler, on s'est déjà fredonné. En arrivant sur la terre, on s'est chanté. Au fil des jours, on apprend que pour vivre plus longtemps, un sourire, ça vaut bien mieux que de l'argent. Une chanson, ça tient un peu de la magie. Quand elle arrive, tout change dans la vie. C'est pour ça que je vais où me guide mais pas une guitare au bout des doigts.

Compagne d'Helvétie, il est de bien gentil amour. On y chante de la patrie, les refrains si doux et si beaux. Dans nos campagnes poétiques, nous savons vivre sans façon. Et l'écho donne la réplique, on nous entonne nos chansons. Nous venons d'entendre Deban qui vient nous chanter le chant du Tyrolien. C'est très bien, merci. Et en parlant de Tyrol, eh bien, ça fait penser au sapin de Noël. Et à Jacques Baudouin qui, avec son fils Philibert qui vont faire le sapin. Alors, si vous avez oublié de comment on décore un sapin, comment on fait cela, eh bien, écoutez bien Jacques Baudouin, Philibert, qui vont vous donner des conseils. C'est la belle nuit de Noël, la neige a mis son manteau blanc, taxi de fin, Alors, Philibert. Alors quoi, papa? Tu es prêt? Hein? Tu sais que dans 24 heures, le Père Noël ne sera plus très loin de la maison. Ah oui, je suis prêt, moi. Je suis fin prêt. Mes chaussures sont astiquées, tout ça au poil. Et toi, t'es prêt, papa? Ben, bien sûr que oui. Hein? Et le sapin? Ah! Où c'est qu'il est, le sapin? Oh, ben ça, t'en fais pas. C'est prévu. Je l'attends d'un moment à l'autre. Alors, par conséquent... Tiens, on a sonné pas. Oui, justement. Tiens, ça doit être le sapin en question. Allez, va ouvrir. Ah, tu parles si j'y vais. Voilà, voilà, voilà. Bonjour, monsieur. Salut, Philibert. Salut, monsieur Antoine. Bonsoir. Comment ça va? Vous m'apportez mon petit sapin? Hein? Votre petit sapin? Attendez de l'avoir vu, vous direz plus ça. J'ai eu du mal à le faire entrer dans le vestibule. Ah, ben tant mieux. Allez, allez, va donc donner un coup de main à monsieur Antoine. Allez, dépêche-toi. Alors, par ici, attention. Attention. Attendez, un peu à gauche. Attention, derrière, vous avez une potiche. C'est pas le moment de casser quelque chose. Attention, ça passe plus de mon côté. Faites gaffe au tableau. Non, ben alors, appuyez sur moi. Là, c'est ça. Tournez un peu. Voilà, ça y est. Oh là là. Ouais, ben dis donc, tu parles d'un monument. Ça, je dois dire qu'il se pose un peu là, hein. Ah ouais, et encore là, vous pouvez pas bien vous rendre compte, monsieur, parce que la branche, elles sont encore attachées contre le tronc. Mais alors quand... Sans blague. Bah, pardi. Quand vous couperez les ficelles, faudrait que fassiez gaffe qu'en se rabattant, les branches, elles vous cassent rien dans le carré, hein. Bon, bon, ben parfait, et bien content. Allez, tenez, monsieur Antoine, voilà pour vous. Merci beaucoup. Allez, bonsoir, messieurs, salut. Salut, monsieur Antoine, salut. Bon, eh bien, au travail, nous n'avons pas une minute à perdre. C'est ça, au boulot. En tout cas, disons mes compliments, hein. T'as bien fait les choses, dis donc. Il est beau, hein. Il est du tonnerre. Il a transformé d'un seul coup le salon en forêt vierge. C'est vrai, oui. Alors, tu es content? Et comment? Oh, dis-donc, qu'est-ce qu'il est chouette! Ah bon, beau sapin, roi des forêts que j'aime autant! pas, je t'en prie. Gâche pas mon plaisir, hein. Tout va bien, on est content. Bon, ben, ça va. Oui, n'en profite pas pour être insolent, toi, hein, tu veux. Bon, voyons. Eh ben, pour commencer, on va couper les ficelles et puis dégager les branches. Passe-moi les ciseaux. Tiens, lève-la. Fais gaffe que ça se détende pas d'un seul coup, hein. Oh, tais-toi donc. Fous-moi la paix. Je suis bien assez grand pour savoir ce que j'ai à faire. Je vais monter sur l'escabeau. Ouais, eh ben, allons-y, gamin. Je vais d'abord couper celle du haut, tiens. Allons-y. Aïe, aïe, aïe, 1-0. Eh ben, continue, t'es dans la bonne voie. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est rien. C'est le sujet artistique de la tante Augusta représentant un moissonneur au repos. Bon, eh bien, parfait. Allons-y pour la deuxième ficelle. C'est ça, allons-y. Ah, bien joué, mais un peu bas. 2-0. Qu'est-ce que c'est? Ah, la cruche en Valoris. Pas de chance, pas de chance. Bon, eh ben, allons-y pour la troisième ficelle. Et alors, au point où on en est, qu'est-ce qu'on risque? Aïe, aïe, aïe. Une ravissante psyché Charles X, adjugé vendu, 3-0. Oh, mon pauvre papa. Ça va, je t'en prie, hein, m'agace pas. Où je trouve la caisse? Quelle caisse? Eh ben, la caisse où sont rangés les cheveux d'ange, les bougies, les boules, tu sais bien. Ah, ben, tiens, la voilà, je vais les trouver, la voilà. Bon. Alors, voyons un peu ça. Ah, bah tiens, voilà les cheveux d'ange. Ouh là là, oh dis donc, papa, oh là là, qu'est-ce que c'est chouette. Regarde les boules. Oh là là, les boules, ce qu'elles sont battes. Touche pas à ça, va, c'est très fragile. Ouais, les oiseaux. Ouais, les oiseaux, regarde. Oui, bon, bah ça va, touche pas, je te dis. C'est compris, oui. Pff, j'en ai marre, alors. C'est toujours pareil, alors on dit que c'est pour moi qu'on fait un arbre de Noël, et puis. Laissez-moi rigoler. Bon, eh ben, je vais commencer par mettre les cheveux d'ange. Ou plutôt non, tiens, les guirlandes électriques, d'abord. C'est ça, les guirlandes. Tu vérifies pas les fils, non? Penses-tu? Pff, t'es pas temps pour ça, tu les poses et tu n'as qu'à brancher la prise. Allons-y. Ça y est, comme l'année dernière. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme l'année dernière? Eh ben, t'as fait sauter les plombs, on est en plein dans le cirage, mais on n'y voit plus rien. Oh, et après, j'ai bien vite réparé les plombs, non? C'est pas une affaire. On va voir si c'est vite réparé. Allô, c'est toi, Jojo? Comment ça va? Ça va? Ça boulotte, ça boulotte. Dis donc, Jojo, t'as de les lumières chez toi? Oui? Ah bon, ah ben, tant mieux. Non, non, mais, non, j'avais peur qu'on ait fait sauter le secteur. Non, c'est pas ça, non, c'est mon papa qui est en train d'installer l'arbre de Noël. Le tien aussi? Ah ben, mon vieux, on n'a pas fini de rigoler. Hein? Ah, t'as raison. Ah! Ça y est, voilà la lumière qui revient. Bon, en tout cas, je te rappelle, hein, on s'y est au courant, si j'ose dire. Allez, c'est ça. Allez, salut, Jojo. Salut. Attends, ne raccroche pas. Demande-lui s'il a du givre, s'il peut nous en prêter. Allô, Jojo, t'as entendu? Hein, c'est ça. D'accord. Salut, Jojo. Salut, mon pote. Salut. Ouais, il en a. Il nous en apportera dans un petit moment. Parfait. Bon, eh bien, moi, je vais monter sur l'escabeau et puis nous allons mettre les cheveux d'ange. C'est ça, allons-y. J'ai l'impression qu'on va rigoler. Et passe-les-moi, veux-tu? Tiens, voilà. Merci. Bon, alors, un ici, comme ça. Un autre partant d'en haut, là, retombant de ce côté-ci. Tiens, en pleine transe artistique, toi, hein, papa? T'occupe pas de ça, va. Bon, alors, ici. Ici, un autre en feston. C'est ça, ton. Oh, ça va, hein. Ah, en attendant, tiens, je m'en vais accrocher la grande étoile. Ah ouais, tu crois? Et comment? Fais attention, tu sais, c'est très haut. L'escabeau a pas l'air bien solide, hein? T'en fais donc pas, j'ai l'habitude. Allons-y. Arrête-toi, t'es assez haut. Je ne crains pas le vertige, moi. Je n'ai pas peur, moi. Allez, bah, ça suffit, fais pas le gigoto, il n'y a personne pour te voir, alors c'est pas la peine. Du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Allez, va, fais gaffe, tu vas te casser, là, fais attention, va. Attention! Ah, je... Oh, ah! Oh là là, mon papa qui vole, oh là là! Du

une étoile endormie qui n'est pas Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Merci à Mademoiselle Edith Piaf qui vient nous interpréter le Noël de la rue. Hey, hey, hey. Vous aimez l'accordéon ? Eh bien, tous les jours, vous pouvez retrouver sur Sorgia FM ou alors sur Internet Accordéon Parade grâce à Popcast. Sorgia FM. Popcast. Et c'est Accordéon Parade, la variété du dimanche aussi. Et d'autres émissions de votre sympathique radio. On est toujours, toujours avec vous. Quand je pianote de mes dix doigts cette cassade, pourquoi on crie, on chante ce refrain-là, olé olé, olé olé, olé olé, se danse à la romance d'Italie, olé olé, olé olé. Elle nous invite au pays des signorinas. Olé, olé, olé, olé, cette mélodie au micoula. Et quand on écoute de l'accordéon, c'est du bonheur, du vrai bonheur. La plus grande de toutes les pioches. Comme ce dimanche, quelques coups de téléphone, entre autres Lulu et Fanfan, puis d'autres auditeurs, auditrices. Hop. Qui m'ont téléphoné ce dimanche pour dire « Michel, ben, est-ce que par la voix des ondes, vous pouvez remercier le CAS de Châtillon-Béjaille et la commune pour le merveilleux cadeau qu'on a eu cette semaine, le merveilleux colis de Noël ?» Alors, on dit un grand merci au CAS de Châtillon-Béjaille de penser aux anciens. Olé, olé, olé, olé. Et ça a été une merveilleuse journée, on s'est retrouvés, enfin les anciens se sont retrouvés. Elle nous invite au pays des signorinas. Alors pour le CAS de Châtillon-Béjaille, la commune et tous ceux qui ont donné un coup de main ce mercredi dernier, eh bien on va écouter. Pour eux tout seuls, le bonheur. Et c'est du bonheur. Le bonheur vient quand il veut dans mon cœur. Oh,

Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Tire à sa fin. Je pense que vous avez passé un agréable moment. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et on se retrouve mardi pour la rediffusion de l'émission, autrement c'est dimanche. Dimanche prochain. Passez un bon dimanche, une bonne semaine. Merci d'avoir été à l'écoute de Sorgia FM. Merci aux nombreux coups de téléphone que j'ai eu ce dimanche matin. Merci, merci. Bon dimanche, bonne semaine et bye bye, à bientôt!